أين أخوك الصغير؟ أخوك منعوت الصغير. نعم. ici les quoi les معرفة ونكرة النعت. Et comment c'est le manout il est quoi? معرفة dû à quoi? مضاف. أحسنت. ماذا قال لك أحمد الباكستاني؟ أحمد منعوت والباكستاني نعت. نعم. طيب grand 3 il te demande اكمل كل جملة مما يأتي بالنعت مناسب واضبطه بالشكل. Il te demande بارك الله فيك de compléter les phrases en mettant quoi? Un adjectif qui lui convient. Et après, tu lui mets les bonnes terminaisons. On dira akaltu ta'aman, on le fait ensemble. Wa sharibtu qahwa. On dira quoi ici? Ta'aman ladidan wa sharibtu qahwatan harrat. Taïb, par exemple. Ah? Taïb, à toi, Mohamed. Aïna tullab? Aïna tullabu al-mujtahidu. Al-mujtahiduna. Taïb. Li akhawan? Akhawan. Ethnan. Ethnan, kif hada? Li akhawan. C'est un à deux, ethnan. C'est un à deux déjà. On veut un adjectif. Akhawan. Akhawan. T'as compris déjà si c'est un? Non. Voilà. Si je cherche le mot. Non, y'a pas de mal. Je cherche le mot qui est un mec. T'as deux frères dans la vie vraiment? Hein? T'as deux frères? Ouais. Voilà. Ils sont quoi? Plus grands, plus petits? Non, mais. Kabir, Athènes. Non, pas. Non, deux frères. Deux frères. Ouais. Kabiran. Kabiran. Voilà. Toi, tu mets quoi le mot direct? Kabirun. Tu sais maintenant utiliser le duel. Ah, la kabiratan khata. Voilà. Alors tu dis li akhawan kabiran wa ukhtan saghiratan. Hada barakallahu fik. Andak ishtaraytu qalamayn rakhisayn. Rakhisayn tayyib. Rakhisun na'am. Indi sa'atun jamilatan. Très bien. Fil fas makatibu là, ici il y a un piège, qui se souvient? Mahdi? Mahdi réfléchis. Mais vas-y fais-le alors, sans. Inch'Allah tu vas. Donc 3 essayer de. Il y a un pluriel, ouais après. Mais fais-le, subhanallah, même si voilà, oublie le frère. Hein? Là, عندك كبيرة نعم. C'est-à-dire pourquoi ici? On a dit quoi? L'adjectif des choses غير عقل, il sera au féminin singulier. Ah les frères, inchallah, je vous demande de bien réviser hein, le 1, le 2. طيب. Fil fas makatibu par exemple quoi? Jadidatun, maksuratun, hein, jamilatun. On avait dit quoi? Les choses غير عقل. On avait dit quoi? La description ou l'information sera comment? Féminin singulier. Mais bon, barakallahu fikoum. Tilka siyaratu. Non, c'est rien, on va revenir. Comme ça, le travail, chacun fait un peu. Vas-y, on fait celui-là. Tilka siyaratu. Al-jamilatu lil-mudarrisi. Très bien, mashallah. Tilka siyaratu al-jamilatu lil-mudarrisi. Askunu fil-mahja'i. Pas, Al-Kabir. Très bien. Al-Ba'id, Al-Kabir. Très bien. Aina siyaratuka? Siyaratuka al-Jadida. C'est bien. Al-Jadida. Al-Jadidatu, Al-Qadimatu. Vous avez vu l'importance d'apprendre le vocabulaire? Puis tout à l'heure, Jadidatu, Jadidatu, Jamilatu, Jadidatu. Hein? Mais si vous en apprenez des petits mots, c'est bien. Hein? Barakallahu fikoum. Ibrahim ou Waladun Talibun. Andek. Donne un exemple bien. Andek, qui fait un exemple? Fadal. Ibrahim ou Al-Kabir, Talibun Mujtahidun. Très bien. Un exemple. Ibrahim ou Al-Kabir, Talibun Mujtahidun. Taïb. Ah, tu peux éclaircir parce qu'il a mis le point plus loin lui. Barakallahu fik. Taïb. Quelle question à poser?